glasses, on parle anglais, on parle joie, puis on parle mal, on est québécois. On boit de la bière, on fume du pot, été comme hiver, on passe au travail. Parce qu'on est québécois, on est québécois. C'est ce tabarnak, on est des Québécois, Carlos. On est des métals de Vaudreuil. Peut-être que oui.